Exercice 23. Exprimer des craintes. Exemple. Exprimer sa peur de l'avenir. J'ai peur de l'avenir. À vous. Exprimer sa préoccupation à propos de la situation internationale. Je suis préoccupé par la situation internationale. Exprimer son embarras à propos de la réponse à donner. Je suis très embarrassé par la réponse à donner. Exprimer de la crainte pour la santé des enfants. Je crains pour la santé des enfants. Exprimer son attention à l'environnement. Je suis très attentif à l'environnement. Exprimer sa grande inquiétude face au risque de guerre. Je suis très inquiet face au risque de guerre.